Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbo-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuet et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 88 276 23 85. Pour des remorques fiables, robustes et de qualité, Remorque 2000 est la place qu'il faut visiter. Nous fabriquons des remorques de tous les styles, que ce soit l'utilitaire, le cargo ou le gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez, même s'il faut la fabriquer. Nous sommes distributeurs exclusifs de la marque Maxi-Roule. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 Dequin Dolbo-Mistassini, 418-276-5343. Remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à y participer en grand nombre. On va parler de nage en eau libre. C'était la 64e édition de la Traversée internationale du Lac-Saint-Jean. Il y a un gars qui l'a vu de proche puisqu'il animait pour, je pense que c'est une 7e année. Il est allé au micro de Planète 99.5, une émission qui est très, très, très, très bien faite, entre autres, c'est avec notre ami Claude Bergeron, c'est Marc-André Leclerc. Salut Marc-André. Oui, bonjour Denis. 7e édition que tu étais au micro? 11e déjà. 11e. Okay, 11e, c'est le temps passe vite, hein? Ouais, ouais. Puis cette année, j'avais Philippe vite. Gertin aussi qui était analyste avec vous autres. Philippe était analyste, lui, du côté de l'animation avec les gens de la traversée. Donc, il était pas loin de nous, sur le lac et sur la terre ferme à l'arrivée, mais il était pas avec nous en nombre. OK, OK. Marc-André, ça a été un doublé italien. Oui, doublé italien, donc Eduardo Stocchino en 7h10 52 secondes, donc chez les hommes, et Barbara Pozzubon également de l'Italie en 7h35 20 secondes. Donc, ces deux nageurs qui ont quand même beaucoup d'expérience, ces deux athlètes qui avaient terminé, qui avaient déjà fait des podiums au lac Saint-Jean. Donc, c'était peut-être pas les favoris de la foule. Mais c'était des nageurs là, qui sont habitués au podium sur la scène mondiale, donc c'est quand même pas une grande surprise. Ouais. C'est sûr qu'on s'attendait chez les hommes à voir Guillermo Bertola peut-être remporter le vainqueur de l'an dernier, ou également la nouvelle venue chez les dames Cecilia Biagioli de l'Argentine, qui était une parmi les favorites, avec Pilar Hejo qui était une des troisièmes. Donc c'est un peu une surprise, mais c'est ça la beauté de la traversée. Ben oui. Et on a une course un peu en deux temps, avec un début de course plutôt facile, très rythmé, avec Joaquim Alejandro Moreno de l'Argentine et Guillermo Bertola qui ont pris une avance dès le départ. Mm. Mais à la deuxième partie de la course, et on a vu que samedi, je pense, partout au lac Saint-Jean, il y a mouillé en après-midi, il y a eu des orages, on a vu des éclairs, on a vu le tonnerre. Heureusement, nous, sur le lac, on était quand même épargnés, mais les gens étaient quand même présents à l'arrivée et les nageurs ont quand même dû affronter un lac assez périlleux à la fin d'année avec un 2-3 pieds de vague, du vent là, venant du sud-ouest, donc dans la figure, en plein visage. Donc ça n'a pas été une course facile. C'était pas l'hécatombe, mais c'était plus difficile là, que les 2-3 dernières années, mettons. OK, OK. La pluie, ça change tant que ça? Ben en fait, la pluie fait en sorte que on est parti sur un soleil de plomb, il faisait extrêmement chaud, mais quand il commence à mouiller, ça veut dire qu'il y a des nuages et la température extérieure a grandement changé. Fait que la température de l'eau était excellente, là, on a pogné même du 75 degrés Fahrenheit, ce qui est plutôt rare en plein milieu du lac Saint-Jean, la température là, à l'extérieur de l'eau a quand même changé, fait que pour certains athlètes, on a vu pour Bertola, Damien Blum, pour quelques athlètes, là, ça fait en sorte que la température de l'eau reste la même. Il n'y a pas de variation parce que la pluie arrive vraiment, mais ça fait en sorte qu'il fait moins chaud, le soleil ne réchauffe moins le dos, réchauffe moins les athlètes et on dépense plus d'énergie à ce moment-là pour combattre un peu le froid et on est moins à l'aise. Donc, à partir de ce moment-là, ça peut causer certains problèmes, mais on le sent vraiment parce que moi, le matin, là, j'étais en chandail long, j'étais sur le point là, de me mettre en cours, comme on dit, chandail court, culotte courte, et la pluie est arrivée. Et j'ai gardé là, mes vêtements longs sur le bateau parce que tout de suite, on a senti là, une baisse de peut-être 3, 4, 5 degrés là, dans la température ambiante. OK, OK. Exact. Et comme ça a été souvent le cas dans les dernières années, il y a ça, c'est une seconde. Là. Ça arrivait souvent au cours des dernières années, ça là. Oui, exactement. On a une fin... Une fin hyper en 6 secondes l'autre aussi. C'est pas long, 6 secondes dans l'eau. Non, c'est pas long, là. C'est pas long dans l'eau. On a une fin extraordinaire. Il y a 4 nageurs qui sont arrivés en même temps dans la rade de Robertval. C'était l'Allemand Alexander Tuzinski qui était le meneur à ce moment-là, là, dans les 500 derniers mètres avant d'entamer le sprint final avec Stokino, Xavier Desharnais, Jvini Popacev. Et les 4 ont donné un spectacle extraordinaire. Dans la dernière bouée, là, au contournement, on avait Sudzinski vers l'intérieur, on avait l'Italien vers l'extérieur, on avait Xavier Desharnais entre les deux. Et c'est l'Italien là, qui a remporté là, une seconde, même pas, devant Xavier Desharnais. Xavier Desharnais qui était très heureux d'annuler sa performance. Quand il a parlé la semaine passée, puis en plus ça, il visait un podium. Là. Oui, il visait un podium. Il aurait beaucoup aimé une victoire pour lui, terminer sur une bonne note comme ça. Il a déjà 2 victoires à son actif. Il serait devenu le premier nageur canadien à remporter 3 fois le lac Saint-Jean. Il aurait écrit une page d'histoire, mais pour lui, de terminer comme ça, après un hiver un peu plus difficile avec une opération aux épaules, il en a parlé une bonne partie de la semaine. Et on sentait que plus les kilomètres avançaient pour lui, pour Xavier, plus il se sentait en confiance. Il disait, hey, moi, tu sais, la machine, elle tient le coup. Et ça, c'était important pour lui, je pense, de gagner comme ça en confiance, une confiance qui s'est bâtie au fil de la journée. Puis même à un certain moment, là, les Argentins sont partis très rapidement. Et Xavier peut-être était aux alentours de la 10e position, mais il s'est pas découragé. Ils ont continué à travailler en équipe, à remonter en avant le tempo s'est ralenti. Ils ont réussi à remonter ça. Il va avoir une fin extraordinaire et les gens à Robertval ont apprécié ce spectacle. OK. Sabrina Lavoie, l'autre athlète que je voulais te parler, elle a terminé au 5e chez les femmes. Elle devait être contente, Sabrina? Oui, elle était contente. Elle a trouvé la compétition un petit peu difficile à la fin. C'était pas son meilleur chrono, mais un top 5 chez les femmes, là, il y avait une dizaine de femmes là, sur la ligne de départ. Donc, pour elle, là, une 5e position, c'est très bon. Sabrina va entrer dans les prochains jours dans une espèce de mode de réflexion, à savoir qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à son avenir au niveau sportif. Je pense que c'est sa dernière. Hein? Je pense que son avait, là, si j'avais, je pense, un 90-10. Ouais. Je lui ai parlé après la course, je lui ai parlé également hier matin. Donc, elle nous disait, je pense bien que ça va être la fin, mais elle se laisse une porte ouverte là, quand même pour un retour là, l'an prochain. OK. Vendredi, tu t'es inquiété de la relève locale. Oui. Et puis, je me rappelais plus du nom. Là. J'ai dit Yann Gabriel. Je sais pas si tu t'en rappelles. Yann Gabriel, je me rappelle plus parce que on fait tellement d'entrevues, puis on côtoie tellement d'athlètes, puis tellement de nouvelles. Mais c'est Gabriel Savard de Dolbeau-Mistassini qui a remporté la victoire. Puis tu t'inquiétais justement de la relève. Est-ce que ça, c'est... Ben, avec Gabriel, je suis moins inquiet. Elle a bien répondu. Ouais. Elle a bien répondu. Elle a bien fait. En hein? 2h30, 41 secondes, là, 7 minutes, même pas derrière le gagnant, là, Nathan Baudin-Bolduc de Lévis. Donc, Gabriel, première chez les femmes, quasiment 10 minutes d'avance là, sur la 2e position sur Alice Dufresne de Montréal. Donc, Gabriel est sans aucun doute là, la relève, et je pense qu'elle a le 32 km dans la mire dans quelques années. Je pense que ça pourrait devenir la première nageuse originaire de Debout-Mistassini à traverser le lac Saint-Jean. De mémoire, là, je ne me rappelle pas d'avoir vu des gens de Debout-Mistassini traverser le lac. Donc, peut-être une belle relève féminine, régionale. Et on en a grandement besoin, là, des Gabriel Savard. Là. Moi, j'étais content qu'on s'est parlé. Et par la suite, là, dès le lendemain, Gabriel a super bien performé. Et ça m'a réconforté à savoir... la relève au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y en a sans doute d'autres qui vont pointer d'ici là, mais au moins avec Gabriel, là, je pense qu'on est en business là, pour une jeune nageuse prometteuse de la région. Ben oui, ça, c'est super intéressant, puis on va la suivre. Là, on va la suivre de très près dans les prochaines années. L'an passé, elle était sur le circuit universitaire, donc fait que on va la suivre. Bon, donc, tout ce beau monde s'en va à Lac Mégantic, c'est ça? Oui, exactement. Donc, il y a une petite pause en fin de semaine, là, la fin de semaine qui s'en vient. Donc, ça va aller du côté de Lac Mégantic pour la plupart, là, samedi le 11 août. Donc, un circuit de 10 km dans les eaux du Lac Mégantic. Une belle organisation là-bas. Donc, ça va être... qui vont en être à leur 12e année déjà. Déjà 12 ans. Ça va être parti de ça sur l'égide de Kevin Laflamme en 2007. Moi, j'avais eu la chance de faire la première édition en 2007. Par la suite, je prenais ma retraite de la natation, mais j'avais eu le temps de terminer ça officiellement en 2007 là, du côté de Lac Mégantic. OK, on se reparle au Lac Mégantic, Marc-André? Tout à fait, on suit ça encore dans 2 semaines. OK, donc Marc-André Leclerc, collaborateur de Nage en eau.